En Corée du Sud, la direction de la presse du Comité du Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin critique le ministère sud-coréen de l'unification qui fait obstacle au contact de travail nord-sud, d'après le journal d'internet sud-coréen Tongilnews du 22 courant. Déplorant que le ministère de l'unification a prétexté le 20 juillet les actuels rapports sud-nord pour refuser totalement le contact de travail avec le nord, elle accuse d'une violence contre le courant favorable aux échanges et collaborations sud-nord, à la paix et à la réunification de la péninsule coréenne.